La rade de Toulon est une des merveilles de la mer Méditerranée. Cette mer qui danse le long des golfes clairs, comme l'a si bien chanté Charles Trenet.